والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نبدأ إن شاء الله ترجمة شرح الأصول الثلاثة لشيخ الفوزان رحمه الله تعالى. فيقول الشيخ الفوزان في مقدمة الشرح: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبين أيدينا هذه الرسالة رسالة ثلاثة أشهر، وهي رسالة جليلة مختصرة مؤيدة بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكفى وكفى إن شاء الله وسنعتمون إلى وقتيه. Et sur le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, ainsi que sur sa famille et l'ensemble des compagnons, Cheikh Fawzan dit: donc nous avons entre nos mains un livret qui s'appelle Les Trois Fondements, c'est un livret, un noble livret, résumé, simplifié, accompagné, appuyé par les preuves du Coran, du livre d'Allah et de la Sunna du messager Ali Sallallahu Alaihi Wasallam. وهذه الرسالة في أصل عظيم من أصول الإسلام وهو العقيدة، وكان العلماء يهتمون بهذه المختصرة، يؤلفونها ويتعبون على اختصارها وتهذيبها، ثم يحفظونها لطلبتهم لتبقى أصولا عندهم وذخيرة يستفيدون منها ويفيدون منها. Donc ce livre, cet épître, donc il concerne un fondement important parmi les fondements de la religion de la soumission qui est l'islam, et qui est à savoir la croyance, la foi. Et il était coutume chez les savants de donner de l'importance à ce genre de livres, ces petits livres, ces livrets. Il les écrivait et il s'efforçait et il mettait tout en œuvre pour les résumer au maximum et pour les organiser de façon telle à pouvoir ensuite les enseigner à leurs étudiants, pour que cette science qui est dans ces livrets, elle reste ferme, ces fondements restent fermes chez ces étudiants, et comme une base de données ou des bagages avec lesquels ils tirent des profits, et avec lesquels ils enseignent aux autres. وَالْبَدَاءَةُ بِهَذِهِ الْمُخْتَصَرَاتِ هِيَ الْأَسَاسُ لِطَلَبَةِ الْعِلْمِ. Donc le fait de commencer avec ces petits livrets qui contiennent peu de pages, c'est la base pour l'étudiant en science. فطالب العلم يبدأ بالتعلم شيئا فشيئا يأخذ من مبادئ العلم وأصوله ويتدرج فيه. Donc il dit, l'étudiant en science, il commence par apprendre les petites choses, il apprend petit à petit, il apprend les principes de base de la science, de ses fondements, et ensuite il augmente en science, il augmente en apprentissage. فَهَذِيَ الْمُخْتَصَرَاتِ طَرِيقُ الْمُطَوَّلَاتِ. Ce livre-là, ces petits livres, c'est en fait ceux qui te mettent le pied à l'étrier, c'est ces petits livres-là qui te guident, qui te ramènent ensuite aux livres qui sont plus longs et plus denses. فَلَا يُمْكِنُ أن يفهم المطولات إلا بعد فهم المختصرات وتدرج منها شيئا فشيئا. Dit Cheikh Fawzan Khalifatan qu'il n'est pas possible de comprendre les livres qui sont denses, qui sont épais, des grands ouvrages uniquement. Donc il n'est pas possible de comprendre ces livres-là uniquement, sauf si ce n'est après avoir appris ce qui est dans ces petits livrets, et ensuite apprendre petit à petit. ولهذا قالوا في معنى قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Donc Allah dit dans le sens du verset à ce sujet, c'est pour cette raison qu'Allah dit dans le sens des versets: donc soyez des éducateurs, des professeurs éducateurs, dans le sens du verset. Alors, au sujet de ce que vous êtes en train d'enseigner, donc le livre, et ce que vous essayez d'apprendre et d'enseigner. إن الربانيين هم الذين يبدأون بصغار مسائل العلم قبل كباره. Donc ceux qui éduquent vraiment la communauté, ce sont

chacun d'entre nous. C'est obligatoire pour chacun d'entre nous d'apprendre ces quatre choses-là. Dans le sens où si on ne les apprend pas, on sera châtié. Et si on les apprend, on sera récompensé. فَإِذَا تَرَكْنَا تَعَلُّمَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَإِنَّنَا نَأْثَمْ لِأَنَّ هَذَا شَكْلُ الْوَاجِبِ. Donc voilà, le chef dit, si on délaisse l'apprentissage de ces quatre points, ces quatre questions, nous commettrons tous des péchés, puisque nous sommes. Car c'est ça le principe du wajib, de l'obligatoire. لَمْ يَقُلْ لَمْ يَقُلْ يُسْتَحَبُ لَنَا أَوْ يُسْتَحْسَنُ لَنَا بَلْ غَدْ يَجِبُ عَلَيْنَا وُجُوبًا. Donc, Cheikh Mohamed al-Wahhab n'a pas dit il nous est recommandé, يُسْتَحَبُ لَنَا. Il nous a pas dit يُسْتَحْسَنُ لَنَا, il nous est préférable. Il nous a dit يَجِبُ عَلَيْنَا وُجُوبًا. Donc, il nous a dit il est obligatoire. Il est obligatoire. الْوَاجِبُ مَعَنَهُ الْحَاكِمُ. Le wajib obligatoire, c'est la ferme décision de le faire. Man tarakahu ya'tham. Donc celui qui le délaisse commet un péché. Donc, et la science donc, ne s'acquiert que par l'apprentissage. Wa ta'allum yahtaju ila 'inayatin wa juhdin wa waqtin. ويحتاج إلى فهم وإلى حضور قلب هذا هو التعلم. Cher, précise la multiplication de ce dont a besoin l'apprentissage. Donc l'apprentissage a besoin qu'on lui donne un grand intérêt, qu'on lui donne beaucoup, qu'on fasse beaucoup d'efforts pour cela et qu'on lui accorde beaucoup de notre temps. Et aussi, il a besoin de compréhension et d'un cœur, une présence du cœur. C'est ça l'apprentissage. قوله 40 سنة. Donc la portion de Wahhab, 4 questions. يعني مباحث, 4 points de recherche. سميت مسائل لأنها يجب أن يسأل عنها ويعنى بها. Pourquoi ça a été appelé مسائل, 4 points de recherche? Pourquoi? Parce qu'il est obligé de se renseigner à leur sujet et de leur donner une grande attention. قوله, donc الأولى, العلم. Cheikh Mohamed l'a dit, la première des 4. La première des quatre recherches, al-ilm, la science. Oula, al-ilm. Qawluhu al-ilm. Cheikh Fouzan dit donc la parole de Cheikh Mohamed al-Wahhab, la science. Al-murad bil-ilm huna huwa al-ilm al-shar'i. La science dont il est question ici, c'est la science religieuse. Al-murad bil-ilm huna huwa al-ilm al-shar'i, la science religieuse. Li'annahu huwa alladhi yajibu ta'allumuhu. Pourquoi? Parce que c'est cette science-là qu'il est obligatoire d'apprendre. وَهَذِهِ الْمَسَائِلِ يَجِبُ تَعَلُّمُهَا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ مَلِكٍ أَوْ مَلْعُوقٍ. Ces مسائل-là, ces questions-là, il est obligatoire de les apprendre pour chacun d'entre nous, pour chaque musulman, que ce soit un homme ou une femme, qu'il soit libre ou esclave, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit roi ou servant. كل مسلم يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل الأربعة. Tout musulman, il est obligatoire d'apprendre ces quatre points. Donc premier, on va commencer, donc est la science, العلم. وهذا ما يسميه العلماء بالواجب العلمي. Donc la chose qui est obligatoire et accompagne toute personne individuelle, de façon individuelle, c'est ce qu'on appelle le واجب العلمي. C'est une obligation individuelle. Une obligation individuelle. Cette science-là qui est obligatoire d'être connue par chacun d'entre nous. Par chacun d'entre nous. فالصلوات الخمس على الرجال والنساء وصلاة الجماعة في المساجد على الرجال هذا واجب على كل فرد من المسلمين أن يتعلمها. إذا الإنسان شكرا لك الله. Il prend l'exemple des cinq prières pour les hommes et pour les femmes. La prière en groupe dans les mosquées pour les hommes. Ça, c'est obligatoire pour chaque membre de la communauté, chaque membre des musulmans d'apprendre. Il est obligatoire d'apprendre ces choses-là pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que Cheikh a dit Yajibu alayna. Donc, il est obligatoire pour nous tous. Il n'a pas dit pour certains d'entre nous,